19, 20, activation orale, le passé composé. Dans cet exercice, vous allez utiliser des verbes au passé composé. Pour cela, il faut 1. Identifier l'auxiliaire, être ou avoir. 2. Identifier la forme du participe passé. Exemple, vous entendez. 1. Vous avez suivi des cours d'art? Vous remarquez que l'auxiliaire est avoir et que le participe passé est suivi. Vous dites donc. Oui, j'ai suivi des cours d'art. 2. Vous avez fait des maths? Oui, j'ai fait des maths. 3. Vous avez aimé les maths? Oui, j'ai aimé les maths. 4. Vous avez appris l'anglais? Oui, j'ai appris l'anglais. 5. Vous avez suivi des cours de français? Oui, j'ai suivi des cours de français. 6. Vous avez étudié l'histoire? Oui, j'ai étudié l'histoire. 7. Vous êtes allé à l'école? Oui, je suis allé à l'école. 8. Vous avez compris la leçon? Oui, j'ai compris la leçon. 9. Vous avez failli rater des examens? Oui, j'ai failli rater des examens. 10. Est-ce que vous avez raté des examens? Oui, j'ai raté des examens. 11. Vous avez réussi à vos examens? Oui, j'ai réussi à mes examens. 12. Est-ce que vous êtes allé à la closerie? Oui, je suis allé à la closerie. 13. Vous êtes passé devant l'institut? Oui, je suis passé devant l'institut. 14. Et vous vous êtes assise à la terrasse. Et oui, je me suis assise à la terrasse. 15. Et vous avez pris un kir. C'est ça, j'ai pris un kir.